Fréquence Club, 7h-9h, le son qui vous va bien. RPL Radio, en DAB+, et sur 99FM. Et maintenant, en platine, papa. Hello, hello, la planète RPL, bienvenue dans Fréquence Club, votre after vitaminé du samedi matin sur votre radio RPL, en écoute sur le 99FM, via le site ou encore en radio numérique. Kimbo pour vous accompagner jusqu'à 9h, et auparavant c'était Tonton G, son émission Back to the House. Il sera là au rendez-vous la semaine prochaine, qui sera l'année prochaine aussi. Nous sommes partis pour 2 heures de musique électronique. Ce matin, on va faire le warm-up de la rétro Christmas qui a lieu chaque année sur les ondes de RPL. Et oui, j'ai ressorti mes vieilles plaques. Il y a bien longtemps que j'avais pu jouer rétro. Il y a tellement de super nouveautés, mais allez, une fois par an, faut faire rétro. Donc si t'es au boulot, ben on te souhaite bon courage. Et si t'es dans ton lit, move ton body. C'est parti pour de la rétro jusqu'à ce soir 20h. Bonne écoute et bonne matinée. We'll be right back. We'll be right back. RPL Radio. ready. I am ready. I am ready. I am ready. I am ready. I am ready. I am ready. All right, baby. I am ready. I am ready. All right, baby. Fan Club pour Drafter du samedi matin. I am ready. All right, I am ready. Baby. I am ready. I am ready. I am ready. All right. I am ready. Baby. I am ready. I am ready. I am ready. All right. I am ready. Baby. I am ready. All right. I am ready. Thank you.

Les replays sur le www.frequenceclub.com. Fréquence Club, 17h-9h, le son qui vous va bien. On va commencer la deuxième heure par un remix que j'avais fait à l'époque. Ensuite on fera une ambiance un peu à The Villa et on terminera la dernière demi-heure par tous les morceaux que j'ai affectionnés à cette époque-là. Pour beaucoup c'est de la rétro, nous c'était des nouveautés à l'époque qu'on les mixait. Bonne écoute, bonne matinée. plus jamais écouter la radio comme avant. RPL Radio est en DAB+, 24 heures sur 24.